Quel calor! Dans son temps libre, Faustine a coiffé son casque d'exploratrice ethnologue. Après tout, c'est pour ça qu'elle est venue. Comprendre pourquoi l'Amérique attire et fascine. Au début, elle a été subjuguée par les proportions, la démesure. Tout est gigantesque ici. Les villes, les distances, les hypermarchés, les fruits, les légumes, la gentillesse, les sourires, les manifestations émotionnelles, les inégalités sociales, la violence et l'inculture. La conviction d'un état de supériorité. Faustine le constate souvent. L'Américain se croit unique. Il est sourd et aveugle à ce qui n'est pas lui ou son pays. Il n'entend pas ce qui se passe dans le reste du monde. Il n'en tient même pas compte. Dans le restaurant où Faustine travaille, la barmaid n'a fait référence à l'Europe qu'une seule fois, crachant d'un ton méprisant qu'on ne peut même pas y boire l'eau du robinet sous peine de tomber malade. Faustine est scandalisée. Quelle aberration! Finalement, un gouffre la sépare de ces gens-là. Ce n'est pas la peine d'essayer de les convaincre. C'est eux qui savent, eux qui ont raison, eux qui sont dans leur bon droit. Qui est, comme on le voit en politique, celui du plus fort, hégémonique et libertaire. En cuisine, lorsqu'elle travaille avec Bridget, Faustine écoute avec attention la future maman lui parler de ses appréhensions. Celle-ci se prépare à accoucher à la maison, faute d'argent pour payer l'hôpital. Comme beaucoup ici qui ne travaillent qu'à temps partiel, elle n'a pas d'assurance maladie complète. Son compagnon, le père de l'enfant, ayant perdu un de ses deux emplois, se retrouve dans le même cas. Et il est impossible de seulement entrer dans un hôpital si on n'y dépose pas 1 000 $ avant qu'il se passe quoi que ce soit. Faustine s'insurge. Mais on ne laisse tout de même pas une femme sur le point d'accoucher dehors. Si, bien sûr. Même en hiver, même dans la neige. Oui, lis les journaux, ils regorgent de ces histoires d'horreur. C'est écœurant. Peut-être, mais c'est le système qui est ainsi. Tout se paye d'avance. Pas de travail, pas d'assurance, pas de retraite. Comme je bosse à temps partiel, l'assurance que Philippe a contractée ne me rembourse qu'un certain montant. Il suffit à peine pour payer une sage-femme à domicile. D'ailleurs, tu verras, même celles qui sont bien assurées ne restent que 3 jours en chambre commune. La majorité rentre le jour même. Purée, c'est des solides. Pas comme chez nous, on laisse la jeune maman se reposer une bonne semaine. En tout cas, je te trouve bien courageuse. Chez nous, on a tendance à décourager les femmes de rester chez elles pour donner la vie. Alors que finalement, ça s'est fait ainsi depuis la nuit des temps. Peut-être, mais on prétend qu'il y a moins de mortalité infantile et moins d'accidents à l'hôpital. Au moins, on est sur place s'il faut faire une césarienne. Et les conditions d'hygiène sont souvent meilleures, paraît-il. C'est effectivement ce qu'on dit. Mais en réalité, on a plus de risques d'attraper des saloperies dans un hôpital que chez soi. De retour à la maison, Faustine tombe sur Maxime, armé d'une faux qu'il vient d'acquérir. Il rechigne à investir dans une tondeuse, le râlin, sans compter que l'herbe est devenue si haute qu'aucune n'en viendrait à bout. Il faut d'abord réduire la hauteur. Il râle parce que Faustine a laissé proliférer les plants de tomates. Peut-être, mais tu en retrouves 3 fois plus, c'est tout bénef. En résulte une véritable jungle non tutorée où, de surcroît, les plantes crèvent de soif. Tout de même, vous auriez pu arroser un peu, Jack et toi, non? Désolée, j'ai complètement oublié d'aller dans cette partie du jardin. Fallait que je bosse pour faire réparer la voiture. Maxime saura désormais qu'il ne peut pas faire confiance à ces fichus citadins. Par contre, une fois qu'il a cueilli et donné les tomates à sa compagne, elle en fait 1 000 merveilles. Rien que pour ça, ça valait la peine. Il ne rouspète plus. Quand elle a un peu de temps, Faustine exerce aussi à la maison ce qu'elle apprend au restaurant. La tarte au citron meringuée, par exemple. Un vieux classique auquel elle n'aurait jamais osé se frotter auparavant. Finalement, c'est facile comme tout et pas du tout un cauchemar de faire prendre de la meringue sur du lemon curd. Battre les œufs en neige avec du sucre, poser le mélange mousse sur le reste déjà cuit et refroidi, passez 10 minutes au four à 120 degrés et c'est prêt. Le plus difficile reste de ne pas confondre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Faut vraiment avoir le cerveau tordu pour inventer des trucs pareils, alors que tout serait si simple si on s'en tenait au bon vieux système décimal. Maxime n'a pas le temps de finir sa part de gâteau que le téléphone sonne. En raccrochant, il saute sur son sac. On l'attend d'urgence à l'aéroport de Chicago au arrêt. Figure-toi qu'ils ont de telles interférences que tous les atterrissages se font à vue. Les contrôleurs n'arrivent plus à transmettre leurs consignes. Elles n'arrivent que par bribes au destinataire. Waouh, c'est grave! Tu vas arriver à temps? En principe, oui. Le ciel est dégagé et demain aussi, ça me laisse 24 heures pour réussir. Il fait particulièrement chaud en ce début d'été. Pas étonnant que certaines installations électriques tombent en panne. C'est la première fois de sa vie que Faustine transpire à ce point. Des gouttes de sueur glissent le long de sa colonne, entre ses seins et le long de ses jambes. Il fait plus de 40 degrés dans la cuisine. Les deux fours ainsi que toutes les plaques fonctionnent, sans compter les moteurs des frigidaires qui dégagent à ras du sol. Soudain, Faustine hurle. « Aïe, sale bestiole! Je me suis fait piquer! La vache, ça brûle! Bridget, au secours, c'est une guêpe! Elle a réussi à s'introduire sous mon pantalon! » « Oh fuck! Elle aura été attirée par ta transpiration! C'est bien le moment, en plein coup de feu. T'es allergique ou pas ?»« Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que je peux faire ?» Faustine gémit les larmes aux yeux, tant la douleur est vive. « Dépêche-toi de monter voir Philippe. » Philippe enlève le dard précautionneusement et fait avaler à la demoiselle un cachet contre les chocs anaphylactiques. « C'est tout ce que je peux faire pour le moment, lui dit-il, navré et compatissant. » Faustine termine sa journée aux aguets, sursautant à la vision de la plus petite mouche. Elle devient paranoïaque au point d'imaginer des piqûres. Demain, elle mettra un pantalon serré et tant pis pour la chaleur. Son service terminé, personne ne l'attendant à la maison, la jeune femme désœuvrée traîne au Napoléon's Bar. Un homme d'apparence sympa vient s'asseoir à côté d'elle. Il ne tarde pas à entamer la conversation. Patrick, de son prénom, se plaint de l'impossibilité d'obtenir à Warrenton un martini dry confectionné dans les règles. Faustine le charrie. Il se prend pour James Bond. L'autre rit et de fil en aiguille l'invite à dîner dans un restaurant de sa connaissance assez éloigné où il sait trouver son bonheur. Faustine, sur un clin d'œil de Cathy, confirmant que le client est inoffensif, prend le risque d'accepter. Le lendemain soir, l'homme conduit son invité dans un charmant bistrot à la frontière de l'État de Virginie, au bord de la mythique route 66. Ils y servent effectivement des martinis dry au shaker, avec une olive verte. Faustine en goûte un par politesse vis-à-vis de son hôte, mais elle ne trouve pas ça terrible. À tout prendre, elle préfère un Bloody Mary. Son compagnon, ignorant la carte des vins, se contentera de son drink favori pendant tout le repas. Faustine s'étonne intérieurement. Elle est contrôle routier, alors? Et sinon, vous faites quoi, dans la vie? Je dirige le motel Howard Johnson de Warrenton. C'est un travail pépère, je ne me plains pas. Vous avez pu vous libérer facilement ce soir? Oui, j'ai pu me faire remplacer par un ami. Mais c'est exceptionnel. En règle générale, je suis astreinte 24 heures par jour, ou presque. Mais si on parlait de vous? Les motels. Voilà une spécialité efficace et économique que Faustine connaît mal. Dans les campagnes US, on ne s'embarrasse pas de décorants. Les vieilles pierres ne sont pas rentables par ici. Les voyageurs de commerce ne roulent pas sur l'or. Ils se contentent de ces motels de proximité, des constructions sur deux étages souvent, ressemblant à des cages à lapins, chacune ayant sa propre issue donnant sur l'extérieur. Les plus sophistiqués proposent une piscine, mais ce n'est pas le cas ici. Dommage pour Faustine. Patrick loge dans un petit appartement derrière la réception. Son job consiste à recevoir les voyageurs, leur donner une clé, des serviettes de toilette et encaisser le prix de la chambre. Il fait en sorte que tous les équipements fonctionnent, que les chambres soient propres et les clients en sécurité. En définitive, guère plus que dans les hôtels de seconde classe en Europe. À l'une ou l'autre extrémité du bâtiment trône une machine à fabriquer des glaçons. Manifestement, les ricains ne sauraient vivre sans. Au motel, chaque chambre est pourvue d'un seau pour la glace, d'un petit frigo et d'un téléviseur. Bien visible de la route, l'enseigne lumineuse porte fièrement la mention « Aircon » pour air conditionné. « C'est vous qui le dites », pense Faustine. Patrick invite la jeune femme pour un dernier verre, en tout bien, tout honneur. Pour moi, les femmes mariées sont sacrées. Il commence par lui faire visiter son sweet room, très bien aménagé, avant de l'installer dans son salon devant un délicieux Irish coffee. Ils passeront ainsi le reste de la soirée en confidence. Patrick est un vétéran de la guerre du Vietnam, dont il a gardé, outre un dégoût total pour les affaires de la guerre et les dirigeants de son pays, quelques séquelles, parmi lesquelles une dysfonction érectile, ce qui explique son célibat, et peut-être aussi le côté sacré des femmes mariées, qu'il compense par une vidéothèque extraordinaire et une culture cinématographique équivalente. Il se fit fort d'instruire Faustine en ce qui concerne le cinéma américain, depuis le temps du cinéma muet jusqu'à nos jours. Il privilégie les films en noir et blanc, en particulier les Hitchcock dont il est féru, Psycho restant l'un de ses préférés. Puisqu'elle habite deux rues plus loin, Faustine pourra venir le voir chaque fois qu'elle se sentira seule. Ici, la télévision offre une image de bonne qualité. Quant aux cassettes VHS qu'il se promet de partager, la question qualitative ne se pose même pas. Petit à petit, les yeux de Faustine se ferment. Le temps que Patrick aille recharger leur verre, elle s'est endormie sur le canapé. Il la regarde tout attendri. C'est vrai que la soirée a été longue. Doucement, il la recouvre d'un joli plaid à carreaux avant de sortir en éteignant la lumière derrière lui.